Laisse-moi t'exposer ma façon de penser. Laisse-moi exploser quand ton immeuble est en train de pioncer. Laisse-moi Beyoncé pour un quart d'heure, je la ferai valser. Sur un putain de son de torsard, j'irai en français. Crew, laisse chanter les loups, lève-toi dans le la. Laisse-moi passer, c'est tout le sens du qu'il faut qu'on sorte de là. Et ça sent les un méchant beat, une bonne loops. Laisse frère, me laisse, qu'on me la coupe, moi tu loupes ça. Laisse-moi un stylo, un cahier, laisse-moi tout seul. Laisse-moi pilo, laisse-moi me perdre, prends ta boussole. Merde, si mon répertoire est sombre, si sale. Dis que le bonheur est blessé, perd son sang sous-sol. Laisse-moi poser sa mala, faire ma salade, torpiller les faces, battre toute la smala. C'est ça, va oublier, mais laisse-moi deux, trois massas. J'fume pas pour oublier, même si la vie c'est toujours pas ça. Laisse-moi te dire qu'elle reste passable. Là-bas, un bon sabre prouve que ta nuque est cassable. Mais regarde les traces d'une guerre, sont ineffaçables. Ici, c'est ville fleurie, là-bas, trop d'eau plus en façade. Sarcolèche, nous, tu croyais quoi qu'on allait reculer? La France a adulé, moi j'ai qu'une envie, c'est d'enculer. Laisse, vas-y, laisse-moi. J'immatricule, FRI, écoute bien là, j'articule. Laisse-moi créer l'agression. Laisse-moi lâcher la pression, laisse-moi. J'ai plus que le goût amer de la défaite. À l'esprit, je garde le fait qu'il y a pire ailleurs. Laisse le champ libre et vite, car nous on aspire à mieux. Anti-racure, chantistar, arrachante parure, l'étanche lingue. Laisse-moi plaider ma version. Laisse-moi créer l'agression, laisse-moi, je suis pas en paix. Chaque jour qui passe augmente mes craintes. Ma vie aurait dû me convenir. Et pourtant, de sale délire en grosse dérive, me contenir, moi, c'est devenu inconcevable. Moi, j'ai le dégoût de leur loi, de leur croyant, de leur tout. Laisse-moi, j'ai en tête des projets de fou et de nombreux plans. Où m'y perds donc la gouache dans le torche. Je réaffirme mon croûte, tiens les laisse, laisse le bouffer. T'auras peut-être l'os, le sais-tu. Y'a qu'un pas de la pitié à la haine pour nous, le sais-tu. Y'a qu'un pas de la gloire à la faillite. Mes vers courts, seul recours, mat comme leur tourne sans retour. Mes vers courts, à la rescousse, écoute Stercousse. Avant que cœur se couse, se déchire en coup de cutter, j'tousse. Laisse-moi mes vers courts, en temps de sens, en tendresse. Je reste latent, je dresse l'attention, je presse la détention. Nous laisse pas rimer, vers quoi se river. Déjà qu'on nous laisse trimer, laisse-nous au moins le droit de s'exprimer. Tu sais ce qui prime, sans peur du succès. Nous on aime ce qui brille, sans se faire briller. C'est sans prix, besoin de crier. J'ai pas besoin de ton accord, pour te peindre, j'moi, j'te donne la corde. Tu vas la prendre à tes dépens, ma liberté, je la porte sur mon corps. Pour ma corde, laisse-moi exposer ses faces. Tant qu'elles ne sont pas encore mortes, rien ne s'efface. C'est pour ça que mon voix porte, parfois loin de ses bases. J'te baisse, rien à foutre de savoir si ça passe. En radio, à l'aise, j'irradie, j'irradique. Donne-moi un pic et je vais au but. Alors adios, j'irai dire tout le bien de ma clique. Véridique, si je m'applique, je claque, mais pas dans un sac, c'est furax, ça l'élite. Laisse-moi parler, ça n'a pas de prix. Beaucoup de justice derrière le crime. Super héros, laisse-moi faire le pitre, on les amuse. Mais la musique a des muscles, des murs, des muscles, des murs. Changement de peau, changement de chapitre. Laisse-moi sonner le glas, gommer de phrases, sauver le rap, donner le las. Quand des Toulouse, planter le clou, chanter le groove. Manger le chou, réarranger le tout. Laisse-moi changer, laisse-moi, laisse-moi. Je sais qu'il faudrait que je te parle, je te parle. De mémoire, laisse-moi être droit, être gloire. En vivant avec mes textes près de moi. S'exprimer c'est jouissif comme le sexe. Ou rimer avec talent quand je vois que mon encre s'échoue ici. 2006 c'est promis, on arrête de chialer. Laisse-moi te dire ce que nos bics ne te pardonneront jamais. Les MC sont armés. Un tas de pages pour la même cible. Depuis qu'on taille nos balles dans le cahier. J'en ai gros sur le cœur, faut me laisser déchaîner du tympan. Laissez aller que la basse frappe représenter mon tympan. Ma femme danse mais ne s'éteint pas. Laisse-moi me forger le mental et faire valoir pour le microphone mon premier droit fondamental. Et ça je le kiffe très fort. Laisse-moi imaginer cette au zénith en force. Une carrière comme celle de Cindy Crawford. Pour certains, ce n'est qu'un sujet de poilade. Je ne crie pas, mon taxi s'est perdu dans le rap. Je lui ai dit laisse-moi là. Au moins la rime laisse-moi là. Je transpire les phrases jusqu'à la moelle. Pas d'instru pendant un mois, le public tombe malade. Texte à revendre dans l'armoire. Sans la musique je suis à poil. Alors laisse-moi croquer dans la poire. Moi aussi j'en veux ma part. Laisse-moi la parole, seul à la barre. Peu m'importe, j'incarne la voix de tous mes potes. Laisse donc toutes les portes ouvertes et traces. Si on arrive ça défonce. Les mots ne nous feront jamais défaut.